ma life, je lui fais du rentre dedans. Le pays trop fou ici, c'est pas le vent de temps. Pro, j'arrive, je mets pas longtemps. On veut de l'argent et cela toujours autant. La mode, à force, c'est démodant. Le café, les clopes, le shit donne mal aux dents. Le manque de respect des chemins dégradants. Hardcore, c'est la justice à deux vitesses. Elle a aussi un point mort. J'suis devant toi, mais y'a 5 ans que j'suis mort. Mon pote, je cherche à rafler le jackpot. Solitairement et solidement, j'm'accorde. J'me raccroche dans le noir sans ma torche. Si j'suis blindé, où est-ce qu'on passe ma Porsche? La pièce de bif dans ma poche, c'est hoche. Quand la vie te fauche, c'est moche. Sonner comme une cloche, fumer comme une clope, puis écraser comme une merde, mon pote. Si on s'en remet, c'est pour te la mettre. Y'a pas de remède. Si au bout de ma laisse, j'tiens le rap, c'est que j'suis le maître. Fuis le best, ou plutôt fuis la peste. J'tourne pas la page, l'arrache. J'aurai la gloire à la hache. Écraser le hardcore rue Alsace. Des rêves de luxe, palace et massage. La naissance nous offre une chance de faire son passage. Sortie de hype, partage. Faut se faire ce que j'appelle un repassage. Pour nos frères et sœurs en bas âge. Pour nos remparts qui prennent de l'âge. Une vie pourrie qui fournit la rage. Comme Samir, moi j'grimpe les étages. Mon scud, mon étalage. Dans le son, j'suis l'étalon. À qui on ne tourne les talons. Vois-tu mon talent? Mon talent, solitairement et solidement, je m'accorde, je me raccroche dans le noir sans ma torche. Si je suis blindé, où est-ce qu'on passe ma Porsche? La pièce de bif dans ma poche, c'est hoche. Quand la vie te fauche, c'est moche. Sonner comme une cloche, fumer comme une clope, puis écraser comme une merde, mon pote. Solitairement et solidement, je m'accorde, je me raccroche dans le noir sans ma torche. Si je suis blindé, où est-ce qu'on passe ma Porsche? La pièce de bif dans ma poche, c'est hoche. Quand la vie te fauche, c'est moche. Sonner comme une cloche, fumer comme une clope, puis écraser comme une merde, mon pote. Rappeur, écraser comme une merde, hey, mon frère. Hey, rappeur, tu cherches un futur hit, faudra faire un futur ring. Ouais, à moi le futur ring. V'là, le Mohamed Ali du rap, le futur king. A-W-O-C-I-T-Y. Bandit excité, c'est pas l'université, mon university. Dédicace à tous les mecs de test, ceux qui me connaissent, ceux qui me reconnaissent. A-W-O-C-I-T-Y. Faut qu'on brille. A-W-O-C-I-T-Y.